Pourquoi il y a tant d'étoiles? Juliette était assise devant la fenêtre et regardait le ciel devenir d'un bleu profond. Plus la nuit s'installait, plus elle apercevait les étoiles apparaître. Elle était toujours ébahie de voir cet univers qui se dessinait à la tombée du jour. Pendant que maman, Marie-Mi, brossait ses cheveux, Juliette lui demanda « Maman, pourquoi il y a tant d'étoiles? » Maman lui répondit alors « Tu vois, Juliette, toutes ces étoiles sont les sourires de ceux qu'on aime et qui sont partis au ciel. Cela veut dire que Clémousse me sourit chaque soir? Tu sais, même le jour, quand tu ne vois pas les étoiles, Clémence est là pour toi, pour papa et pour moi. Quand on devient une étoile, on est toujours avec ceux qu'on aime. Et la nuit, par ces étoiles, on veille sur eux. » Juliette avait perdu sa petite sœur de 2 ans, décédée un 29 février, 2 années auparavant. C'était si long, et en même temps, ça passait trop vite. Maman, si Clémousse est toujours là, pourquoi elle ne me parle pas alors? Elle te parle, mais elle utilise un nouveau langage. Maintenant, tu ne l'entendras pas dans tes oreilles, mais bien dans ton cœur. Tu veux essayer? Ferme tes yeux, Juju. Prends une grande respiration. Mets ta main sur ton cœur pour lui donner la parole. Et demande à Clémence si elle est là. Juliette se concentre. La main sur le cœur, elle respire profondément. Puis elle s'éclate de rire. « Maman, Clémousse m'a fait sa fameuse grimace. Tu sais, celle qui nous faisait rire aux larmes. Elle n'est pas triste, maman. Tu croyais qu'elle était triste? Mais moi, je serais si triste d'être loin de papa et toi. Tu vois, elle est toujours avec nous. Tu me crois maintenant? Allez, referme les yeux. » Juliette respire profondément. Allez, qu'est-ce qu'elle a à te dire dans ton cœur? En gardant les yeux fermés, Juliette lui répondit, elle me dit de jouer, de m'amuser pour elle aussi. Elle me dit de prendre des cornets à 2 boules, une au chocolat et l'autre aux fraises pour elle. En ouvrant les yeux ébahis, Clémence dit que ce serait très chouette d'en manger une tous les soirs d'ailleurs. T'es tratoureuse. Allez hop, au lit maintenant. Fais-moi un câlin. Maman, je peux dormir avec la robe de princesse de Clémousse dans mes bras? Maman hocha la tête. Certainement, ma chouette. Marie-Mi l'embrassa sur le front et lui dit « Ferme les yeux, ma belle Juju, et vois dans ton cœur jouer à la princesse avec ta sœur adorée. » Juliette hocha la tête et à son tour, elle répliqua « Merci, maman. Hé, maman, Clémousse fait dire qu'elle vous aime, papa et toi. »